Nicolas Vassilievitch Gogol, Les âmes mortes. Tome 1, Chant 1, Le chef-lieu de gouvernement. Une assez jolie petite britchka à ressort entra dans la porte cochère d'une hôtellerie du chef-lieu du gouvernement de N. C'était un de ces légers équipages de coupe nationale, à l'usage des hommes qui font profession de rester longtemps célibataires, tels que adjudant-colonel en retraite, capitaine en second, propriétaire possédant un patrimoine d'une pauvre centaine d'âmes, en un mot, tous les menus gentillâtres et obéraux qu'en Russie on nomme « nobles de troisième main ». De la britchka descendit sans précipitation un monsieur d'un extérieur ni beau ni laid, d'une taille ni épaisse ni svelte, ni roide ni souple. On ne pouvait dire que le voyageur fût vieux. On ne pouvait non plus le prendre pour un jeune homme. Ajoutons que son entrée dans la ville n'excita l'attention de personne, ne fit aucune sensation particulière. Seulement deux paysans russes qui se tenaient à la porte d'un cabaret établi vis-à-vis de l'hôtellerie se communiquèrent leurs observations. Ces remarques se rapportaient plutôt à l'équipage qui venait de s'arrêter qu'à la personne qu'ils voyaient descendre. « Tiens, regarde, disait l'un de ces rustres, regarde cette roue, qu'en penses-tu? Voyons, irait-elle au besoin jusqu'à Moscou ou non? Dit. Elle irait, dit l'autre. Et jusqu'à Kazan? Je crois qu'elle ne tiendrait pas. Jusqu'à Kazan? Oh non, dit l'autre. Non, elle resterait en route. Et la conversation s'arrêta là. Un moment auparavant, quand la britchka, encore en mouvement, était sur le point de s'arrêter devant l'entrée extérieure de l'auberge, elle croisa un jeune homme, vêtu d'un pantalon de basin blanc, très étroit et très court, et d'un habit qui avait de grandes prétentions à la mode, sous lequel on voyait se gonfler une chemisette empesée, fermée par une épingle du toula en fer de fonte et cuivre doré, figurant un petit pistolet d'arçon. Le jeune homme se retourna, regarda l'équipage en bloc, retint de la main sa casquette que le vent menaçait d'emporter, et passa son chemin. Quand la britchka fut entrée dans la cour, le voyageur fut reçu à une porte d'escalier intérieur par un garçon d'auberge, si ingambe, si vif, si mobile, qu'à peine on pouvait saisir le moment de voir son visage. Il se précipita dans la cour, une serviette à la main, en très long surtout de demi-coton, dont la taille avait été faite juste au niveau des aisselles. Il secoua agilement son épaisse chevelure, taillée net en rond d'un bout de l'oreille à l'autre, et conduisit lestement le monsieur dans les chambres du premier et unique étage, par une galerie en bois, annexé au mur de pierre, jusqu'à l'appartement qu'il plaisait à Dieu de lui départir sur sa route. C'était un appartement d'auberge du genre national, d'une auberge russe, faite, comme le sont toutes les auberges russes, des chefs-lieux de gouvernement. Un appartement où, pour 2 roubles par jour, le voyageur est mis en possession d'une chambre tranquille, où il jouit du spectacle des évolutions que font, dans tous les coins et recoins, et sur le seuil de la chambre voisine, les blattes, les grillons et les gros cafards noirs, qui font à l'œil distrait l'effet de pruneaux, et de pruneaux en goguette. Là, on sait que la porte du voisin est toujours barricadée au moyen d'une commode, et le voisin de chambre, toujours un homme silencieux, morose, mais très curieux, très empressé à épier du coin de l'œil le nouvel arrivant, et à questionner les garçons et le premier venu sur son compte, malgré la presque certitude de ne rien apprendre sur eux ou d'apprendre fort peu de choses. La façade de l'auberge répondait parfaitement à l'intérieur. Elle était longue et à deux étages, dont l'inférieur, ou rez-de-chaussée, dépourvu de tout enduit, était resté dans son simple déshabillé de briques, inégalement brunes, mais toutes également hâlées par l'action du temps et des brusques changements de l'atmosphère, fort sale en général et moisie en quelques endroits, à cause de l'état délabré de tous les conduits. L'étage avait reçu un enduit que recouvrait le badigeon sacramentel à l'ocre jaune. Au rez-de-chaussée étaient des boutiques de selles, licous, brides, fouets, de cordes à puits et de touloupes. À l'arrière-coin était une porte de boutique, ou plutôt une fenêtre à tabatière, faisant devanture à une espèce de loge ou de niche, où se tenait un marchand de coco au miel tout chaud, tout bouillant, avec son samovar en cuivre rouge. L'homme lui-même, constamment rouge comme sa bouilloire, de sorte que, de loin, on eût dit deux samovars sur la fenêtre ouverte, s'il n'y avait eu à l'un d'eux une barbe noire qui gâtait l'illusion. Pendant que le voyageur faisait l'examen de la chambre et des meubles, on lui apporta ses effets, et avant tous, une valise de peau blanche, hâlée, déprimée, éraillée, et montrant à ses signes qu'elle ne voyageait pas pour la première fois. Elle fut déposée sur deux chaises rapprochées avec le pied l'une vis-à-vis de l'autre, contre la paroi, par le cocher Sélifane, petit homme trapu, affublé d'une touloupe écourtée, et par son camarade le laquais Petrouchka, garçon d'environ 30 ans, à gros nez, grosses lèvres et physionomie rude, accoutré d'une vieille redingote de son maître. Après la valise, on apporta une petite caisse en bois d'acajou à compartiments superposés en simple bouleau du nord, puis des embouchoirs à bottes et une poule rôtie enveloppée d'un papier bleuâtre. Quand les bagages, le manteau et les coussins eurent été rentrés, le cocher Sélifane alla à ses chevaux, et le laquais Petrouchka s'installa dans une petite antichambre très sombre, un vrai chenil, en y apportant un gros manteau de drap de frise, et en même temps une sorte d'odeur qui lui était toute particulière, odeur qui s'était communiquée à un sac de différentes nippes à son usage. Il affermit contre le mur un lit fort étroit auquel il manquait un pied qu'il suppléa par une bûche. Il couvrit ce bois de lit d'une façon de matelas aplati, mince comme un beignet et non moins gras qu'un beignet fait de la veille, que l'aubergiste voulut bien laisser à sa disposition. Pendant que les domestiques de l'inconnu faisaient leurs arrangements, leur maître passa dans la salle commune. Ce que c'est que les salles communes dans nos auberges, tout voyageur le sait à fond en une fois. Ce sont partout les mêmes parois peintes à l'huile, noircies en haut par la fumée, salies en bas par la chevelure des pratiques, encrassées immédiatement au-dessous par le dos de tous les voyageurs et surtout par les bons gros marchands de la province. Car ceux-ci, les jours de foire et de marché, viennent là prendre leur portion de thé, dont ils se font 7 ou 8 verres, jusqu'à ce qu'ils ne sortent plus de la théière que l'eau bouillante à l'état naturel, qu'ils y versent, à mesure, d'une autre théière plus grande. C'est partout le même plafond enfumé et le même lustre poudreux à carcasse de cuivre et pendeloques de verre innombrables, qui ressautent et cliquettent chaque fois que le garçon d'auberge court sur une vieille pièce de toile cirée en balançant hardiment, à hauteur d'épaule, un plateau portant un régiment de tasses qu'on prendrait pour une volée d'oiseaux assemblée sur une planche bercée par la houle du rivage. partout les mêmes tableaux appendus au mur, peintures à l'huile la plupart, s'il vous plaît, et impayables. Et ce qu'on voit enfin en toute auberge, seulement ici, il y avait à remarquer une nymphe gratifiée d'une poitrine si haute que personne, je crois, n'aura jamais vu dans la nature un pareil luxe de carnation. Je me trompe. On peut, il est vrai, citer quelques exemples analogues dans certains tableaux d'histoire ou de mythologie qui ont été, on ne sait quand, ni où, ni par qui, importés en Russie. À moins que ce ne soit par nos grands seigneurs, touristes de distinction et amateurs passionnés des beaux-arts, qui en auront peut-être fait l'acquisition en Italie, d'après le conseil des courriers qu'ils prennent pour guide et directeur dans leur voyage. Le monsieur jeta sa casquette sur une table et se désentortilla le cou d'une longue écharpe de laine bariolée, comme celle que les femmes tricotent pour leurs maris, à qui elles enseignent la manière de s'en servir. Quant à messieurs les célibataires, ils en portent aussi, mais je ne puis dire de qui ils les tiennent. Pour ma part, le ciel m'est témoin que je n'en ai jamais fait usage. Le monsieur, donc, ainsi décoiffé, mis à l'aise et aéré, ordonna, sans s'expliquer autrement, qu'on lui servit à dîner. Pendant qu'on lui apportait plusieurs plats, de ces plats qu'on trouve dans toutes les auberges, premièrement la soupe aux choux fermentée, avec accompagnement sur une assiette à part du pâté feuilleté, tenu en réserve des semaines entières pour l'appétit connu de messieurs les voyageurs. Puis, de la cervelle rissolée, flanquée de petits pois, des saucisses sur un lit de choucroute, poularde rôti et concombre, soit baignant dans la saumure, soit frais et servi en salade de tranches fines. Et enfin, l'éternel gâteau feuilleté à la confiture, toujours à l'étalage, toujours au service des dîneurs. Pendant que le garçon d'auberge présentait à l'inconnu toutes ces choses, les unes réchauffées, les autres froides, celui-ci lui adressait la parole avec affabilité, lui faisant raconter toutes sortes de détails sur l'homme qui auparavant tenait cette hôtellerie, et sur son patron, l'aubergiste actuel. Il demandait, par manière de passe-temps, combien l'établissement lui rapportait, et si ce n'était pas, comme tant de ses confrères, un grand vaurien. Sur quoi le serviteur répond ordinairement. « Oh oui, monsieur, vous avez bien deviné, c'est un fier gredin. » En Russie, maintenant, comme en Europe, il est évident qu'on s'humanise, et il y a beaucoup de personnes honorables qui ne peuvent manger dans les auberges sans questionner les domestiques, sans échanger même avec eux des propos badins ou plaisanter sur leur compte. Le nouvel arrivé, lui, n'était pas homme à s'arrêter longtemps aux questions futiles. Il voulut savoir, et avec une grande exactitude, qui était, en cette ville-là, le gouverneur civil, qui le vice-gouverneur, qui le président du tribunal, qui le procureur général. Bref, non seulement il n'omit pas un seul personnage marquant, mais encore, c'est avec force détail et un grand air d'intérêt qu'il s'informa du nom, de la qualité, des titres, du caractère de tous les principaux propriétaires. Il demandait combien ils avaient d'âmes chrétiennes dans leur obéissance, s'ils habitaient loin, quel était leur genre de vie, leur manière d'être, et s'ils venaient souvent à la ville. Il demanda d'un ton on ne peut plus sérieux s'il n'y avait pas eu de maladies contagieuses dans le gouvernement, des fièvres chaudes, des dysenteries, la petite vérole, etc., etc. Et à tout cela, on voyait qu'il gravait toutes les réponses dans sa mémoire, avec un soin qui dénotait plus que de la curiosité vulgaire. Ce monsieur, à le bien considérer, devait être un homme d'un esprit positif et solide, et il se mouchait à fort grand bruit. On ne sait comment il s'y prenait pour cela, mais il est de fait que son nez produisait un son éclatant, analogue à celui du cor de chasse. Ce mérite, si minime qu'il puisse paraître, le mit toutefois en fort grande considération auprès du garçon d'auberge, qui, chaque fois qu'il entendait ce bruit magistral, secouait son épaisse chevelure et se cambrait plus respectueusement, inclinait le front en avant sans mouvoir le reste du corps et disait « Que désire monsieur ?» Le monsieur, après son repas, prit une tasse de café et s'installa sur le divan, en glissant derrière son épine dorsale un de ces coussins que, dans nos hôtelleries russes, on rembourre, non pas d'un crin élastique, mais de quelque chose qui, en peu de temps, acquiert à peu près la consistance d'un pudding de briques et de cailloux. Là, s'étant involontairement pris à bâiller, il clignota quelques minutes, puis se leva et se fit reconduire à sa chambre, où il s'étendit et fit une méridienne d'environ 2 heures. À son réveil, il écrivit sur un petit carré de papier, à la demande du garçon, ses noms de baptême et de famille et son rang civil. Le garçon, en redescendant l'escalier, se mit à épeler le chiffon où étaient inscrits ces mots. Le conseiller de collège, Paul Ivanovitch Tchitchikov, voyageant pour affaires personnelles. Comme le faquin était encore occupé de sa lecture, P.I. Tchitchikov passa de sa personne tout près de lui. Il sortait pour voir la ville. Il paraît qu'il fut content de ce qu'il y vit. Il trouva en effet que cette petite ville ne le cédait à aucun égard aux autres chefs-lieux de nos gouvernements. Ici, comme partout, beaucoup de maisons de bois modestement peintes en gris et quelques maisons en pierre éblouissantes de leur éternel badigeon à l'ocre jaune. Toutes ces maisons étaient à un et demi, et à 2 étages. J'ai dit à 1,5, comptant pour demi la mezzanine, qui est une manière de tourmenter la toiture et d'envahir le grenier, sous prétexte d'y faire des chambres. L'opinion des architectes de province est que rien n'est plus joli. Ces maisons, en certains endroits, étaient comme perdues dans l'encaissement général d'une rue large comme un champ et dans d'interminables palissades de planches. Sur d'autres points, elles étaient plus rapprochées, et là, on voyait un peu de monde, un peu de mouvement, un peu de vie. Là, on apercevait, au-dessus ou à côté de quelques portes, des enseignes presque effacées, mais où l'on distinguait pourtant encore, sur celles-ci, des images de différents pains en nœuds d'amour et autres formes. Sur celle-là, des bottes. Sur d'autres, un habit, un pantalon bleu et le mot « tailleur d'Archavie » Varsovie, à la suite du nom de l'artiste. Plus loin, l'enseigne représentait des bonnets et des casquettes avec ces mots « magasin de l'étranger Vassili Fedorov ». Ailleurs étaient peints un billard et 2 amateurs en habits habillés, rappelant les comparses de nos théâtres lorsqu'ils figurent les invités d'un bal splendide. L'un des partenaires est représenté les bras très retirés en arrière au moment où il chasse sa bille. L'autre se tient debout, mais ses jambes sont tellement ouvertes à la hauteur des genoux qu'il ressemble à un danseur de guinguette qui vient d'exécuter un entrechat. Au-dessous de cette peinture provocante était écrit « C'est ici l'établissement. » À 2 ou 3 coins de rue se tenaient naïvement des tables de menus trafiquants de la campagne, couvertes de noisettes et de pain d'épices qui ressemblaient à du savon. Là où il y avait des restaurants, l'enseigne représentait un énorme poisson piqué d'une fourchette. Ce qu'on remarquait le plus souvent, c'était des aigles impérial à deux têtes, dédorées, noirâtres et poudreuses, qui sont maintenant remplacées par cette inscription « Cabaret ». Le pavé était partout plus ou moins défoncé. Il vit aussi le jardin de la ville, planté de maigres arbustes malvenus, serrés vers le milieu de la tige par un lien rapprochant trois tuteurs très joliment peints en vert à l'huile. Quoique ces arbustes ne fussent ni plus ni moins grands que des roseaux, il a été dit dans les gazettes, à l'occasion d'une illumination, « Notre ville, grâce aux soins d'une administration toute paternelle, s'est embellie d'un jardin riche en arbres touffus, ombreux et variés d'espèces, prodigues de leur douce fraîcheur aux jours brûlants de la saison caniculaire. Oh, qu'il était attendrissant de voir comme les cœurs des bourgeois tressaillaient de reconnaissance et comme les yeux versaient des ruisseaux de larmes en songeant à tous ses travaux, à ses soins éclairés de l'autorité locale. » Après s'être fait expliquer que le garde de ville du coin de rue, quel était le plus court chemin pour aller à la cathédrale, puis de quel côté étaient les tribunaux et l'hôtel du gouverneur, Tchitchikov alla voir la rivière qui coule au milieu de la ville. Chemin faisant, il arracha d'un poteau une affiche qui y était fixée par trois clous inégaux, afin d'en prendre connaissance chez lui tout à loisir. Il regarda attentivement une assez jolie dame qui passait sur un trottoir de madriers, suivie d'un petit domestique en livrée de coupe militaire qui tenait un cabas ou sac de til à la main. Et après avoir jeté un regard autour de lui, comme pour se rappeler bien la disposition des lieux, il s'en retourna à la maison. Il fut soutenu pour la forme par le garçon d'auberge en montant l'escalier qui conduisait à sa chambre. Il prit le thé, puis il s'assit devant une console, se fit donner de la lumière, tira de sa poche l'affiche dont il s'était emparé dans sa promenade, l'avança près de la chandelle et se mit à lire en fermant à demi l'œil droit. Il n'y avait rien de remarquable dans cette affiche. On donnait un drame de Kotzebue dans lequel M. Poplevine jouait le rôle de Rola, Mademoiselle Yalova celui de Cora. Les autres personnages étaient moins marquants, et pourtant il en lut toute la liste. Et même, il lut le prix des places du parterre, et sut que l'affiche avait été imprimée dans la typographie des tribunaux du gouvernement. Puis il la retourna pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à lire au verso. Mais n'y ayant rien trouvé, il se frotta les yeux, plia l'affiche et la mit dans son nécessaire de voyage, où il avait l'habitude de fourrer tout ce qui lui tombait sous la main. Sa journée fut scellée par une portion de veau froid, arrosée d'une boisson aigre-douce, et par un somme rivalisant de bruit avec un grand jeu de pompes, selon l'image usitée dans quelques endroits du vaste empire russe. Tout le jour suivant fut employé à faire des visites. Le voyageur se mit en devoir d'aller saluer chez eux tous les personnages marquants de la ville. Il se rendit respectueusement chez le gouverneur qui, comme Tchitchikov, n'était ni gras ni maigre, mais qui portait Sainte-Anne au cou. Il avait même été présenté pour l'étoile. Du reste, c'était un homme tout bonasse, à qui il arrivait quelquefois de broder sur du tulle. Après cela, il alla chez le vice-gouverneur, puis chez le procureur et chez le président de cour, chez le maître de police, chez le fermier des eaux-de-vie, chez le directeur général des fabriques de la couronne. Je regrette qu'il soit difficile d'énumérer au complet tous les puissants de ce petit monde, mais il suffit de dire que le voyageur déploya une activité extraordinaire dans cette course aux visites. Ce fut au point qu'il crut devoir aller présenter ses respects même à l'inspecteur du conseil de médecine locale, et à l'architecte de la ville. En sortant de là, il ordonna à son cocher d'aller doucement, voulant, du fond de sa britchka, penser à qui il avait encore à faire sa visite. Mais il se trouva qu'il avait épuisé la liste des fonctionnaires et employés de la localité. Dans les conversations qu'il eut avec les autorités, il avait su très habilement faire sa cour à chacun en graduant ses prévenances. Au gouverneur, il avait trouvé moyen d'amener un à-propos pour glisser le mot que, dans sa juridiction, on entrait comme dans un paradis, que les chemins étaient doux comme du velours, et que les gouvernements qui donnent aux provinces de sages magistrats sont bien dignes et d'amour et de louanges. Il dit au maître de police quelque chose de très flatteur par rapport aux gardes de ville. Et dans la conversation avec le vice-gouverneur et avec le président de cour, qui n'était encore que du rang de conseiller d'État, rang qui correspond au grade de brigadier, il les gratifia deux fois du titre prématuré de « Votre Excellence », ce qui ne laissa pas que de leur être fort agréable. La conséquence fut que le gouverneur l'invita à venir le jour même à sa soirée. Les autres employés, de leur côté, l'invitèrent, qui à dîner, qui à une partie de Boston, qui à un thé d'apparat. Le voyageur paraissait éviter, autant que possible, de parler de lui-même. S'il y était forcé, ce n'était que sous la double enveloppe du lieu commun et d'une évidente réserve. Et son langage, en pareille occasion, affectait volontiers les formes du discours écrit. Il disait être un ver, un atome invisible de ce monde, peu digne qu'on fît grande attention à lui. Qu'il avait beaucoup souffert dans sa vie, que dans le service public, il avait été, pour sa droiture inflexible, un vrai souffre-douleur. Qu'il s'était fait, par sa franchise, beaucoup d'ennemis, dont quelques-uns avaient même attenté à sa vie. Que maintenant, ne voulant plus songer qu'au repos, il commençait à s'occuper du soin de choisir une localité agréable pour s'y fixer à jamais. Et que, étant arrivé en cette ville, il avait cru de son devoir le plus indispensable de venir présenter ses humbles civilités aux fonctionnaires publics marquants. C'est tout ce que la ville parvint à recueillir de la bouche de ce modeste personnage. Tchitchikov était content de sa matinée, et il lui tardait d'aller se montrer à la soirée du gouverneur. Les apprêts qu'il jugea à propos de faire pour cette soirée lui prirent deux bonnes heures de temps, et il porta sur les moindres détails de sa toilette une attention telle que nous n'en avons jamais connu d'autre exemple. Après une courte sieste qui suivit son dîner, il se fit donner à laver. Il se frotta très longtemps de savon les deux joues en les enflant à l'aide de sa langue. Puis, saisissant l'essuie-main, jeté en sautoir sur l'épaule du garçon d'auberge, il en frotta soigneusement son frais visage, à commencer de derrière les oreilles, du cou et de la nuque jusqu'aux tempes, au coin de la bouche et autour des narines, après s'être largement gargarisé à deux reprises, en soufflant une bonne partie de son eau droit à la face du garçon qui tenait les guières. Puis il s'ajusta devant la glace une chemisette de batiste, s'arracha deux poils du nez, et, aussitôt après cette opération, passa un habit couleur tabac d'Espagne à pluie d'or. Après avoir endossé son manteau, il longea rapidement dans sa voiture deux rues d'une largeur remarquable, éclairées de la maigre lueur tombant languissamment de quelques fenêtres de maison qui semblaient fuir, une lanterne sourde à la main. En revanche, l'hôtel du gouverneur était éclairé du haut en bas comme pour un grand bal. Calèches à fanaux allumés, gendarmes près de l'avancée, cris des postillons, rien ne manquait au comme il faut d'un hôtel préfectoral. En entrant dans le salon, Tchitchikov dut un instant clignoter, tant l'éclat des bougies, des lampes et de la parure des dames était redoutable. La pièce en était toute imprégnée de lumière. Les habits noirs voltigeaient çà et là, séparément et en essaim, comme on voit les mouches fondre sur un beau sucre raffiné en été dans un chaud mois de juillet, quand la vieille ménagère le met en morceaux devant une fenêtre large ouverte. Les enfants de la maison s'assemblent alentour et suivent avec la vive curiosité de leur âge le mouvement des rudes mains de la vieille, qui lève et abat le marteau sur les fragments qu'elle réduit en petits cubes irréguliers. Et les escadrons aériens manœuvrent habilement la gaze de leurs ailes dans le courant d'air, s'abattent hardiment sur la table en vrai commensal reçu, et, profitant de la myopie de leur hôtesse et du soleil qui lui blesse la vue, envahissent les unes l'amas des cubes confectionnés, les autres les galeries que forment l'entassement des gros fragments à réduire. Rassasiés, sans ce secours des mille richesses de l'été, mais friands que le ciel prodigue en tout lieu à ses filles de l'air, elles sont venues là moins pour se nourrir que pour voir de près le cristal sucré qui brille, pour aller et venir dans tous les passages que forme un morceau de sucre, pour se faire voir, pour se frotter les unes aux autres les pattes de devant et celles de derrière, et pour s'en chatouiller à elles-mêmes la poitrine sous leurs ailes légères, pour tourner sur elles-mêmes, s'envoler, et de nouveau venir s'abattre et s'ébattre avec de nouveaux bataillons. Tchitchikov n'avait pas eu le temps de se reconnaître que déjà il était saisi sous le bras par le gouverneur, qui le présenta aussitôt à madame son épouse. Le voyageur ne fut pas plus embarrassé le soir devant la femme qu'il ne l'avait été le matin devant le mari. Il trouva moyen de lui tourner un petit compliment, très convenable dans la bouche d'un homme d'un certain âge, en possession d'un rang civil, mitoyen comme son âge. Quand les quadrilles qui se formaient dans la salle eurent fait reculer jusqu'au mur ceux qui ne dansaient pas, il se croisa les bras sur l'épine dorsale et regarda très attentivement les danseurs. Beaucoup de dames étaient en élégante toilette à la mode. D'autres portaient les robes que les faiseuses de la province avaient pu leur fournir. Les hommes, ici comme partout, étaient de deux catégories. Les fluets, qu'on voit papillonner autour des dames. Beaucoup de ceux-ci étaient de si bon genre qu'on ne pouvait les distinguer des fluets de Pétersbourg. Même favoris soigneusement peignés, artistement coupés, même frais visages ovales, même amabilité auprès des femmes, même usage familier de la langue française, même gaieté convenable qu'à Pétersbourg. Et les gros, dont deux ou trois fort gros, avec eux les moyens tels qu'était Tchitchikov, je veux dire ceux qui ne sont plus sveltes. Les personnes de cette catégorie louvoyaient dans le voisinage des jeunes gens, et ils étaient bien plus portés à s'éloigner des dames qu'à s'approcher d'elles. Ils regardaient du côté des salles latérales s'ils ne verraient pas quelque part dresser des tables de whist. Ils avaient des faces arrondies et pleines, quelques-uns avec des petites verrues à poils dont ils ne s'inquiétaient guère, d'autres avec des marques de petites véroles dont ils ne se désolaient plus. Ils n'avaient sur la tête ni frisure, ni huppe, ni coup de vent, ni diable m'emporte. Non, tout français. Leur chevelure était tondue presque ras ou d'une certaine longueur, mais pommadée presque à plat. Les traits de la face, chez quelques-uns, étaient sans reproche, un peu forts, les nez assez généralement épatés. C'étaient les fonctionnaires publics, les notabilités de la ville. Hélas, les gros, les tout gros, s'entendent mieux à faire leurs affaires que messieurs les fluets à galbe ovoïde. Les fluets sont soi-disant au service comme employés réservés, attachés à de hauts fonctionnaires pour commission de confiance ou simplement immatriculés comme étant au service. Et on ne voit que partout où il y a des hommes de loisirs qui s'amusent. Leur existence est légère, frivole, précaire. Ils ne vont ni au feu, ni au bureau, ni à la terre. On ne voit pas en quoi ils pourraient être utiles, soit à l'État, soit à eux-mêmes. Les gros, c'est différent. Ceux-là n'acceptent jamais une position oblique. Ils aiment ce qui est carré et ferme. Et si ces gens-là s'asseyent, on voit qu'ils sont si solidement assis que l'emploi craquera sous eux, plutôt qu'ils ne se départiront du siège où ils se cramponnent. Ils ne tiennent nullement à l'éclat extérieur. Leur habit n'est pas du faiseur en vogue, encore moins d'un tailleur de Pétersbourg. Mais, en revanche, dans leur coffre, c'est une vraie bénédiction. Le fluet, au bout de 3 ans, ne possède pas une âme qui ne soit engagée au lombard. Le gros, sans bruit, voyez au bout de la ville. Il a acheté une maison sous le nom de sa femme. Puis, à l'autre bout, là-bas, une autre maison. Puis un petit village un peu plus loin. Puis un fort gros village à église, à maison seigneuriale. Et à la fin, après avoir servi Dieu et le tsar, acquis la considération qui ne manque jamais aux riches, il prend son congé, il se retire sur ses terres. C'est un seigneur de village, c'est un bon barin russe. Il reçoit chez lui, et il est parfois un très bon vivant. Après lui, ses héritiers, ordinairement des fluets, mènent très grand train le bien laissé par le père ou par l'oncle. Telles étaient les étranges pensées qui se jouaient dans la tête de Tchitchikov, pendant qu'il examinait attentivement la composition de la société. Et il résulta de ces réflexions qu'il se réunit au gros, parmi lesquels il rencontra presque toutes les personnes chez qui il s'était présenté le matin. Le procureur général, figure dont les yeux étaient abrités sous d'énormes sourcils noirs, l'un d'eux à demi fermé, l'œil gauche comme s'il disait à quelqu'un « Suis-moi, mon cher, là dans l'autre chambre, j'ai un mot à te dire. » C'était du reste un homme sérieux et très économe de parole. Le directeur de la poste, homme de taille plus que médiocre, mais grand philosophe et bel esprit à sa manière. Le président de cour, homme réfléchi, agréable. Tous l'abordèrent comme une ancienne connaissance. Tchitchikov fit à chacun un petit salut, tant soit peu de biais, mais non sans gentillesse. Ce fut le moment où il fit la connaissance de Monsieur Manilov, gentilhomme campagnard très poli, très expansif, et de Monsieur Sabakevitch, autre gentilhomme un peu lourd, qui, une première fois en cette occasion, lui marcha sur le pied en lui disant « Pardon !» tandis qu'on lui présentait une carte qu'il prit en faisant son salut oblique, que j'ai déclaré n'être pas sans grâce. Ces messieurs allèrent prendre place à des tables vertes, qu'ils ne quittèrent plus avant qu'on eût servi le souper. Il va sans dire que toute conversation cessa complètement, comme il arrive toutes les fois qu'on procède aux affaires graves. Le directeur des postes était, ai-je dit, très expansif. Cependant, une fois les cartes en main, il prit une physionomie pensive, remonta sa lèvre inférieure sur la supérieure, et resta ainsi tant que dura le jeu. En jouant une figure, il frappait vigoureusement du revers de la main la table, en disant, si c'était une dame, « Marche, la femme du curé !» Et si c'était un roi, « En avant, le paysan de Tambov !» Sur quoi le président disait, « Et moi, je lui coupe la moustache, rasez, le paysan !» Quelquefois, le coup donné au centre de la table, en jouant la carte, était accompagné de mots tels que ceux-ci. Eh bien, vaille que vaille, tenez, carreau. Ou bien les mots torturés à plaisir. Pique, piqué, picard, picotin, pico, pico. Cœur, petit cœur, joli cœur, cœurlé, la cœurlurette. Et c'est ainsi qu'ils avaient l'habitude de baptiser entre eux les couleurs. Après le jeu, dispute à haute voix, comme d'usage. Notre voyageur disputa aussi, mais il soutint ses dires d'un ton plein d'urbanité. Jamais il ne disait « Vous êtes allé !» Mais « Vous avez bien voulu aller en cœur, j'ai eu l'honneur de couper votre cinq !» Et à l'avenant, il faisait plus. Pour aider au rétablissement de l'harmonie, il leur présentait à tous impartialement sa tabatière d'argent, au fond de laquelle on apercevait deux violettes prodigues de leur parfum. L'attention de Tchitchikov était plus particulièrement fixée sur messieurs Manilov et Sabakevitch, les deux nobles campagnards dont j'ai parlé plus haut. Il prit à part le président de cour et le directeur des postes, et les questionna l'un après l'autre sur ces deux gentilshommes. L'ordre dans lequel il procéda à cette petite enquête indique, ce me semble, dans le questionneur, un esprit sensé, solide et pratique. Il commença par demander combien chacun de ces messieurs avait d'âme, dans quel état étaient ses terres, et si celles-ci étaient hypothéquées ou non. Et c'est à la fin de l'information qu'il demandait les noms et prénoms des personnes. En peu de temps, il parvint à faire la conquête de deux campagnards. Manilov, qui était encore dans toute la force de l'âge, qui avait les yeux d'une fadeur doucereuse et clignotait à tout éclat de rire, l'avait soudainement pris en grande affection. Il lui pressa longtemps la main et le pria avec insistance de venir le voir à son village, situé à une quinzaine de verstes, kilomètres. Tchitchikov répondit, en lui faisant une charmante inclination de tête et lui pressant la main, qu'il était très disposé à l'aller visiter, et qu'il s'en faisait même un « devoir sacré ». Sabakevitch, survenant en ce moment, lui dit de son côté, mais laconiquement, « Vous viendrez chez moi ». Et en prononçant ce peu de mots, il souleva un pied chaussé d'une botte d'une si gigantesque mesure qu'on trouverait difficilement ailleurs un autre pied qui la remplit comme le sien. Surtout aujourd'hui, que dans notre bonne Russie, les Samson et les Hercules ont commencé à devenir des curiosités. Tchitchikov retira à temps ses petits pieds de citadin et évita heureusement une cruelle foulure. Le lendemain, Tchitchikov dîna et passa la soirée chez le maître de police, où, dès les 3 heures après-midi, on se mit au whist, séance qui dura jusqu'à 2 heures après minuit. Là, il fit la connaissance d'un propriétaire des environs du nom de Nozdrev, homme de quelque 30 ans, gaillard, sans gêne, qui, après avoir échangé quelques mots, se mit à le tutoyer. Il n'y avait pas à s'en choquer, puisqu'il était de même au tu et au toi avec le maître de police et avec le procureur lui-même. Une chose frappa, du reste, notre voyageur. Lorsqu'on se fut mis à s'échauffer au jeu, les deux fonctionnaires, surveillant le nouvel arrivant, commencèrent à vérifier exactement ses levées et suivirent de l'œil chaque carte qu'il jouait. Le jour suivant, Tchitchikov gratifia de sa soirée le président de cour, qui reçut toutes ses visites sans dépouiller sa robe de chambre assez graisseuse, malgré la présence de deux dames. Le 4e jour, il alla dans l'après-midi chez le vice-gouverneur. Le jour suivant, il se trouva à un dîner de cérémonie chez le fermier des eaux-de-vie, puis à un dîner sans façon chez le procureur. Petit dîner qui en valait bien un grand. Puis chez le maire, à un déjeuner de sortie de messe, qui valait, certes, un dîner pour l'abondance. Bref, il n'y avait pas moyen qu'il passât une heure chez lui en repos, et il ne rentrait à son auberge que pour dormir et changer de linge. Il sut parfaitement se retourner au milieu de tout ce peuple de notables, et s'y montra tout à fait homme du monde. Quel que fût le sujet d'un entretien, il savait soutenir la conversation. Était-il question de haras ? On aurait pensé qu'il n'avait vu que cela. Chien ? Il faisait sur la plupart des meutes et des races des observations fort judicieuses. Enquête judiciaire, il faisait bien voir qu'il savait toutes les manigances de messieurs les juges. Citait-on des coups de billard extraordinaires, là encore il n'était pas pris au dépourvu. Parlait-on vertu, il en raisonnait avec âme et les larmes aux yeux. Bichot ou vin chaud, il savait pour le faire des recettes admirables. Douane, il pouvait en revendre aux plus malins pour déjouer les inventions de la contrebande. Et il est à observer qu'il savait envelopper le tout d'un certain air de gravité douce qui donnait du poids à sa parole. Il ne parlait point haut, mais très distinctement, sans hâte ni lenteur. C'était, en somme, relativement aux localités, un homme très comme il faut. Tous les fonctionnaires étaient contents de le voir séjourner si volontiers dans leur ville. Le gouverneur s'expliqua fort honorablement sur son compte en disant « C'est un homme bien intentionné ». Le procureur le proclama « homme entendu ». Le colonel de gendarmerie le jugea « un savant ». Le président de la chambre le qualifia « d'honorable et bien élevé ». Le maître de police ne cessa de le citer comme un homme des plus agréables. La femme du maître de police, allant plus loin, faisait de lui le plus aimable et le plus excellent des hommes. Il n'y eut pas jusqu'à Sabakevitch, homme très avare d'éloges, qui un soir, étant revenu tard la nuit dans son manoir, se coucha en disant à sa femme, qui était fort maigre, qu'ayant passé la soirée chez le gouverneur et dîné le lendemain chez le maître de police, il avait fait la connaissance du conseiller de collège Paul Ivanovitch Tchitchikov, qui était un homme des plus agréables. À quoi son épouse, se laissant aller malgré elle à une comparaison mentale, répondit en toussillant et le poussant légèrement du genou. L'opinion était donc très favorable aux voyageurs, et elle se soutint parfaitement, unanimement dans toute la ville, jusqu'à ce que le bruit d'une particularité, d'un étrange projet qui lui fut attribué, et dont nous allons instruire nos lecteurs, jeta la confusion et l'incertitude dans tous les esprits à son sujet.